Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Après une semaine de congé, on retrouve notre collaborateur football Pascal Masson. J'avais hâte d'y parler, Pascal, parce qu'il y a quand même des nouvelles intéressantes, non seulement dans la Ligue canadienne de football, mais des déclarations de Mike Sherman la semaine passée qui m'ont fait penser, ceux-là qui snobent la Ligue canadienne de football, là, ben Mike Sherman, il doit connaître certainement, il a mentionné que c'était plus dur pour un carrière de jouer et de s'adapter dans la Ligue canadienne que dans la NFL. On en parle avec notre ami Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, écoute, ça vaut plus qu'un... On peut même bien vite parler des Alouettes, là. Je pense que c'est pas mal fini, une évaluation cette année. Là, il reste à savoir si je vais gagner mon pari. Ça avait dit 3 victoires. Je pense que ça va être dur un peu parce que Toronto, quand même, il y a 2 matchs contre Toronto. Puis je pense qu'ils vont en gagner au moins une. Mais ça, bref, on en reparlera. Parce que je veux t'emmener sur la déclaration de Mike Sherman la semaine passée. J'étais pas en onde quand ça s'est passé, mais j'avais hâte de t'en parler. Mike Sherman qui est allé dire que, et lui doit savoir de quoi il parle, il y a eu Brett Favre. Il dit que c'est plus dur pour un carrière dans les Canadiens de football que dans la NFL. Est-ce que tu crois? Moi, je le crois parce que, tu sais, à quelque part, tu as un essai de moins. Donc, il faut que tu fasses plus de stratégie. Là. Ben, c'est sûr que, tu sais, il faut évaluer toutes les parties d'un carrière, que ce soit les qualités physiques, la puissance de son bras, les lectures, etc. Donc, effectivement, qu'au football canadien, ayant un joueur offensif de plus, mais également un joueur défensif de plus, et un terrain plus grand, seulement 3 essais. Donc, le fait que ces 3 essais, les défensives adverses, jouent peut-être des couvertures plus complexes que celles de la NFL à cause du terrain, de la grosseur du terrain et du nombre de joueurs. Donc, effectivement, mentalement, c'est plus de choses à reconnaître pour un corps arrière que le style de jeu américain. Le style de jeu américain, c'est plus du one-to-read, puis c'est surtout la puissance des bras et la précision des bras des corps arrière qui va être mis de l'avant, disons. Est-ce que c'est pour ça que les corps arrière américains qui sont venus au Canada, pensant tout rafler, pensant tout que ça allait être facile, là, se sont plantés? C'est une des raisons? Ben oui, c'est sûr que si tu sous-estimes le style du jeu de la Ligue canadienne, tu vas toujours te faire prendre comme carrière parce que tu peux pas juste utiliser la puissance de ton bras ou on a vu des carrières qui sont plus mobiles au niveau américain venir au Canada puis finalement se rendre compte qu'ils sont pas en mesure de s'échapper aussi facilement qu'ils pensaient. Parce que des fois, les carrières mobiles américains qui viennent au Canada, ils disent « Ah, le terrain plus grand, ça va être le fun, on va pouvoir... » En plus, ben, l'affaire, c'est que les joueurs canadiens, mettons les secondaires, ils sont plus petits que dans la ligue américaine, mais sont plus un prototype un peu demi-défensif, tu sais. Ouais. Donc, souvent, on va être en mesure de rattraper, là, c'est les carrières qui vont avoir la stratégie de vouloir s'échapper, là, de la pochette. OK. Donc, ceux-là qui... je te dis ça parce que j'écoutais le podcast de Didier Méjus cette semaine avec Pierre Vercheval, le podcast de RDS, puis il disait que... Pierre racontait que Doug Flutie a parlé à Johnny Manziel, puis il a dit, si tu t'attends que ça va être facile, tu te trompes, là. Puis on le voit, d'ailleurs, là. On l'a vu, là, Doug Flutie, là, qui a eu des difficultés dans ses débuts pour s'adapter et comprendre exactement qu'est-ce qui était les stratégies, pas seulement offensives, mais particulièrement défensives de la Ligue canadienne, et puis comment ses lectures, il les prend où. Et parce que, tu sais, sur un petit terrain, là, puis quand tu le divises en deux, tu as moins de joueurs, tu prends une lecture sur un joueur seulement. Dans la Ligue canadienne, des fois, faut que tu pousses la lecture sur deux ou trois joueurs afin de savoir exactement quelle couverture à laquelle tu fais face. Donc, c'est sûr que ça prend une certaine, disons, un certain temps. Là. OK, OK. Donc, c'est pas mal intéressant. Comment tu trouves Johnny Manziel à date? C'est sûr que la semaine passée, ça paraît bien comme chiffre, mais il y a eu quand même, c'est des chiffres qui sont faussés. Mais en même temps, c'est coussi coussa, mais on le savait. Là. On a dit que ça prend au moins un an. T'sais, on a parlé cet été, ça prend au moins un an pour un carrière de la NFL venir au Canada. Là. Donc, cette année, d'ici la fin de l'année, on peut pas trop penser vraiment que Menzel va tout casser. C'est l'an prochain qu'on va voir. Là. Mais l'an prochain va être une année un peu plus, disons, ça va être un peu plus définitif pour Johnny Manziel au niveau de savoir qu'est-ce qu'il a appris, justement, de sa première année. Mm. Sauf que moi, je trouve que Johnny Manziel, c'est le meilleur joueur des Alouettes sur le terrain en ce moment au niveau de sa combativité, au niveau de son désir de gagner. Il abandonne pas. Il démontre des belles choses, Johnny Manziel. Il fait des erreurs, effectivement. Il ne nous a pas fait gagner encore. C'est une autre affaire. Sauf que moi, je suis convaincu que si on est patient, si lui est patient, puis qu'il reste plus que 2 ans, là, parce que oui, l'année prochaine, c'est une grosse année, mais moi, je pense que ça va lui prendre, que ça prendrait un genre de 3-4 ans là, pour vraiment qu'il devienne le carrière accompli qu'il peut être. Là. Et moi, je pense qu'on a un bon carrière entre les mains, mais encore une fois, c'est la patience. Ben oui, c'est ça. Exactement, exactement. Tyrone Sutton, as-tu été surpris? De notre directeur général, des entraîneurs et du joueur lui-même qui va déterminer tout ça. Pascal, on t'a perdu pendant un certain temps. On va y aller avec Tyrone Sutton maintenant. L'échange de Tyrone Sutton, est-ce que tu as été surpris? Ben, j'ai été surpris. C'est oui et non, dans le sens qu'il n'y a plus rien qui me surprend chez les Alouettes. Là. On a tout vu. Donc, je ne suis pas surpris à ce niveau-là. Pas surpris parce que Stand Back, c'est un bon porteur qui est jeune, qui démontre beaucoup d'endurance au niveau. C'est pas un joueur qui va tomber souvent au combat. Il peut durer un match complet. Il est quand même aussi très efficace au niveau de la protection. Donc ça, c'est intéressant pour les Alouettes. Puis il y avait aussi des questions contractuelles, non seulement monétaires, là, parce que je pense qu'au niveau monétaire, Sutton puis Stand Back, c'était pas comme s'il y a une grosse différence en soi, dans le sens que Stand Back peut coûter éventuellement aussi cher que l'autre, mais des garanties de contrat, puis Sutton, bon, ben là, il s'en est de plus en plus fragile. Est-ce que ça, c'est une stratégie aussi, tu sais, qui est plus un constat qui a pesé dans la balance, probablement. Mais est-ce que ça aurait été un de mes choix à faire? Moi, je suis pas certain, mais sûr qu'on n'a pas toujours tous les informations à l'interne. Je sais que c'était pas une question. Sutton, c'est un joueur super aimé, c'est un bon leader. Sauf que là, c'est comme ça, je trouvais, moi, que c'est un peu. C'est pas un message, mais c'est une stratégie de dire on rebâtit, tu sais. On retravaille pour l'an prochain. Même si Kevin Sweet il a dit non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est correct, c'est sa job de pas montrer devant tout le monde qui jette la serviette, là. Mais stratégiquement, je pense, c'est ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'on arrête de placer nos pions pour l'année prochaine. Mais dans le cas de Sutton, on a vu les réactions de Patrick Lavoie, on a vu les réactions de plusieurs joueurs. Ça faisait pas l'unanimité, cette transaction-là. Non, c'est sûr. Quand tu perds un joueur, c'est pas comme ce que je te dis, c'est quand tu perds un joueur qui est un leader dans le vestiaire, c'est tout un combattant, là, ce joueur-là. Là. Il en a donné là, pour les Alouettes, puis tout ça. Mais ça fait partie du sport professionnel, par contre. C'est pas juste à Montréal que ça arrive, ce genre de situation-là. C'est sûr que là, nous, à Montréal, il y a quelques situations On va devoir quitter les vestiaires, que ce soit aux Alouettes ou n'importe où, puis c'est toujours déchirant pour une équipe. OK, OK. On t'a perdu parler encore une fois, mais je pense que j'ai trouvé le problème. Pascal, je veux t'emmener sur une nouvelle que tu n'as pas vue, donc je ne veux pas te mettre en boîte, mais par contre, je l'ai expliqué avant de rentrer en nombre. Je ne veux pas avoir tout, parce que tu n'as pas tous les détails pour commenter. Je te l'ai envoyé, on en reparlera peut-être dans un autre podcast, mais je vais te l'apprendre en même temps, puis puis à chaud, je veux savoir un peu tes commentaires. Le commissaire de la SCF, Ambrose, ben, je ne m'appelle plus son petit nom, c'est... bref, peu importe, le commissaire de la Ligue canadienne est actuellement au Mexique pour discuter d'une entente possible entre la LCF et la Ligue de football du Mexique. Et ce qu'on dit, c'est que dans l'entente, on appelle ça même sur le site de TSN, la CFL 2.0, c'est le même qu'on l'appelle, là. Il y aurait des joueurs mexicains qui s'en viendraient jouer au Canada. Et également, il y aurait d'autres partenariats. Il y aurait même des joueurs canadiens qui pourraient s'en aller au Mexique, jouer dans la Ligue du Mexique. Et on peut, qui sait, peut-être même des matchs et ainsi de suite. Comment tu vois ça, toi? Moi, à prime abord, si on est capable de mixer, si on est capable d'engendrer les mêmes ou encore sensiblement les mêmes règlements, ça pourrait être intéressant. Effectivement, le commissionnaire Randy Ambrosi qui a fait le voyage là, j'ai pas pu vraiment me mettre dans le dossier là afin de savoir exactement les détails là de ce genre de partenariat là. Cependant, tu sais, moi ce que j'espère grandement, c'est que s'il y a un échange ou qu'il y a des Mexicains qui viennent jouer dans la Ligue canadienne, on sait que avec la Ligue canadienne, il y a des ratios, ratio américain, ratio canadien. S'il y a un ratio qui est ajouté là-dedans, mettons, un ratio mexicain, si on veut, je l'espère, là, tu sais, dans le sens que je veux pas que nos Canadiens perdent des spots dans la Ligue canadienne, ça serait vraiment dommage. Cependant, pour des joueurs canadiens qui sont sur des équipes de pratique puis qu'il y aurait un échange où eux, ils vont jouer, je sais pas si on développe un genre de ligue d'équipe école un peu là au Mexique, ça pourrait être le fun. Ça va être intéressant à voir c'est quoi exactement le développement et les conditions de ce genre de partenariat-là. Sauf que l'idée, c'est de toujours avoir les meilleurs joueurs sur le terrain pour avoir le meilleur spectacle possible. Donc, tout ça est très intéressant et intriguant à savoir exactement c'est quoi là, l'idée derrière ça. Mais il y a une chose qu'on peut dire, c'est que le commissionnaire Randy Ambrosi est très proactif depuis que c'est lui qui mène cette ligue-là. Moi, je vois ça d'un bon œil de voir un commissionnaire qui recherche des nouvelles. Tu sais, juste avec les shows de la mi-temps cette année, on le voit qu'il essaie de poser des actions pour rendre la ligue. Pascal, je vais te demander quelque chose. Moi, plus intéressant, plus attractif, là, tu sais. Je vais te poser une question. Au milieu des années 90, on est allé aux États-Unis. À prime abord, ça paraissait comme un échec. Moi, je regardais les assistances dans le temps. Les Ravens, ben, c'était les Stallions qui s'appelaient. Ils sont venus à Montréal à cause que les Ravens s'en allaient à Baltimore. Las Vegas, ça avait été à fouille. Mais il y avait des villes comme Shreveport, San Antonio. Il y avait quand même du monde, là. Ouais. C'est peut-être que ça a été ça. C'était Larry Smith qui était. Là, je parlerai à Larry, mais c'était Larry qui était à l'origine de ce projet-là. Dans les années 90, avec les Stallions de Baltimore, Peyton, puis Tracy Ann, puis Mike Pringle, qui ont vu le jour. Je me souviens de regarder. Il y avait un mix aussi. Il y a des équipes en Europe aussi, il me semble, là. Qui était mêlé là-dedans. Là, en tout cas, c'était sûr que c'était différent. Sauf que moi, tu sais, j'aime bien le fait d'avoir notre ligue au Canada, notre football. Pascal, Pascal, on va se quitter parce que là, la ligne est très mauvaise. Pascal, on va se quitter parce que la ligne est mauvaise. OK? Donc voilà, c'était Pascal Masson. On s'excuse évidemment pour les difficultés techniques.